Today, April 8, 2013, I am in Montreal with Teresa Vesnier, one of the participants of the student strike against the tuition tax that took place last year here in Montreal. Hi, Teresa. Salut. Raconte-moi ta vie. Je suis née ici à Montréal, plus précisément à La Salle. Je viens d'une famille chilienne, donc je suis capable de parler le français et l'espagnol. Je suis allée à l'école de mon quartier, c'est-à-dire que francophone, puis je me suis habituée avec le monde des Québécois, si on veut. Puis après, ma mère m'a changé pour une école privée, qui était au centre-ville, au Collège français de Montréal. Par la suite, je me suis fait des nouveaux amis qui venaient plus d'autres parties du monde, si on veut. Donc, je me suis éloignée de nos amis québécois pour me rapprocher plus de monde qui est plus latino. Plus les latinos vu que je me sentais mieux avec eux. Par la suite, j'ai été au cégep de Antique. J'étudie présentement en graphisme. Je suis pendant ma deuxième année, puis ça se passe assez bien, là, je pense. puis j'ai un chum avec moi qui va au cégep aussi avec moi, puis lui est en sciences pures et appliquées. Lui va, par exemple, il va finir cette année, tandis que moi, il me reste encore une année de plus, vu que c'est une technique. J'irai par la suite à l'université en design graphique. Sinon, j'aimerais bien voyager en Europe pour pouvoir voir le monde un peu, quelque chose de différent, afin de développer mon côté artistique. Sinon, je pense que c'est tout de ma vie. Ok, raconte-moi ton enfance. J'ai un frère. Donc, moi, je suis la plus jeune. Mon frère a 5 ans plus que moi. Donc, je suis vraiment très unie avec mon frère. J'ai toujours vécu avec mon frère. C'est vraiment le fun. Genre, j'étais son souffre-douleur. C'était très le fun. Mais sinon, je l'ai vécu très tranquille. Disons, j'avais ma meilleure amie qui était ma voisine. Par la suite, elle est partie. Donc, j'ai été un peu seule parce que mon frère aussi est rentré dans le secondaire à ce moment-là. Puis il y avait beaucoup les études. Fait que là, à ce moment-là, j'ai été un peu seule. Puis quand je suis rentrée au secondaire, je me suis fait d'autres amis. Là, mon cercle d'amitié s'est agrandi. Et mais sinon, par rapport à mon enfance, j'ai vécu une enfance heureuse, je trouve, à comparer à d'autres familles qui ont vécu plus de difficultés que moi. Genre, on était bien économiquement, donc mes parents ont pu m'offrir ce que je nécessitais. Ils se sont jamais gênés pour me donner des cadeaux, quoi que ce soit. Genre, ma mère nous a assez bien gâtés. On aurait pu quasiment dire qu'on était des enfants gâtés, moi et mon frère, mais on quand même veut pas nous enseigner genre les bonnes valeurs en disant que genre c'est bien d'avoir des trucs c'est bien d'avoir mais que pas en ayant tout on peut comme pas le fait d'avoir tout est important genre et sinon avec ma famille on n'était pas très unis par exemple avec mes cousins et tout j'ai des rarement vu puis rarement fait des événements familiales donc celui que je considère vraiment ma famille c'est mes amis puis mon frère sinon c'est ça. Décris-moi ta famille. Ma famille, mon père est chilien comme ma mère, ils ont 10 ans de différence. Ils sont arrivés, ma mère est arrivée ici à ses 17 ans, mon père, lui, est arrivé à ses 15 ans, puis il a connu ma mère au Chili, par exemple, c'est lui que, justement, il l'a amené. Mais avant d'arriver ici, mon père est allé en Argentine, parce que, justement, il y avait la dictature de Pinochet, fait qu'il est parti en Argentine pour 3 ans, pour ensuite venir ici au Québec, puis après chercher ma mère, puis l'amener ici au Québec. Puis, fait que mes parents ont toujours voulu comme enseigner les valeurs justes, si on veut, de leur pays d'origine, pour que genre j'aille mes bases, si on veut. Puis aussi, comme ils nous racontent comme l'histoire de Pinochet, puis de tout ce qu'ils ont passé. Puis, et c'est la même chose pour la famille de mon père aussi. Par exemple, la famille de ma mère sont restées au Chili, vu qu'eux, ils étaient pas vraiment atteints par la dictature. C'était plus la famille de mon père. Puis ils sont venus ici pour vraiment se faire une nouvelle vie, parce qu'ils voulaient avoir une bonne éducation pour ses enfants, mais aussi genre pour pouvoir avoir un travail stable, tandis qu'au Chili, ils pouvaient pas l'avoir. Ma mère a tout abandonné au Chili. Elle a vraiment tout abandonné. Elle a pas pu finir son secondaire non plus. Fait qu'elle est arrivée ici avec aucune base. Mon père, même chose, il a pas eu de diplôme. Puis il a tout appris par lui-même. Puis personnellement, je suis vraiment fière de eux, parce que c'est vraiment des personnes indépendantes, indépendantes, c'est ça, qui dépendent de personne. Ils vont toujours se débrouiller par eux-mêmes. Ben, comme c'est ça, sinon ça. Ok. En trois mots, comment tu te décrirais? Je me décrirais d'une façon... Je suis dynamique. Je trouve que je suis dynamique, puis je suis très sociable. Tellement que je pourrais dire que dynamique, je limite folle, comme on dit souvent ça, mais c'est ma manière de me différencier des autres, je trouve. Sinon, je serais une personne très... très impatiente. Je suis très impatiente, genre... Puis j'aime pas me faire donner des ordres, c'est moi qui dirige, puis c'est comme ça. Comme je me décris d'une façon plus rebelle, mais en étant tranquille, si on veut. Peux-tu donner quelques exemples sur ça, comme... Ben, des exemples... Ben, au sein de l'école secondaire, les professeurs, des fois, ils commençaient à, par exemple, à se défouler sur un étudiant. Puis, genre, je trouvais qu'il n'y avait pas le droit, qu'il n'y avait aucun argument qui était valable. Donc, moi, j'ai commencé à défendre la personne. J'ai fait comme, si on veut, l'avocat. Puis, j'ai été mis dehors de ma classe. Puis, ça arrivait plus que 5 fois en même pas 2 semaines. J'étais vraiment pas aimée des professeurs. Même que j'ai failli être envoyée, puis là j'ai dû reprendre comme un élan pour gérer mon comportement. Puis il disait beaucoup que j'étais trop hyperactive. Pour ça, je vais faire beaucoup de sport, il disait. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis faite comme ça. Des fois, les professeurs ne comprennent pas pourquoi les étudiants ils se défendent, mais c'est... des fois, ils n'ont pas toujours raison, puis ils oublient que c'est des professeurs, puis ils prennent ça trop personnel, là. Les jugements, là, je sais pas. Quels sont les moments qui ont marqué ta vie? Les moments qui ont marqué ma vie... Les moments qui ont marqué ma vie... Je dirais que... ça a été mon déménagement. Vraiment, quand j'ai déménagé de ma maison que j'ai vécu toute ma vie, pendant 18 ans de ma vie, j'ai vécu. Le fait de déménager, ça a été vraiment un coup, là. Genre, j'en pouvais. Genre, j'ai vraiment dit à mes parents, c'était des traits de déménager. Ça a l'air pathétique le fait que ça a marqué ma vie, mais pour moi, cette maison-là, c'était toute mon enfance, moi et mon frère. C'était malade mental. Genre, pour vrai, cette maison-là, c'était trop précieux pour moi. C'était un trésor, si on veut. Puis le fait d'avoir déménagé, j'ai vraiment senti de tout abandonner en arrière de moi, que genre, là, j'ai senti que j'avais vieilli. Parce que mes parents, la raison pour laquelle ils voulaient déménager puis avoir une plus petite maison, c'est parce qu'ils disaient que j'allais bientôt partir. Puis déjà que mon père et mon frère étaient partis, la maison devenait trop grande. Puis là, j'ai vraiment senti que j'ai vieilli. Puis que, genre, j'ai senti comme que j'étais plus l'enfant qui prenait ce relax, que genre, il voyait sans importance, si on veut, comme le fait d'être responsable tu prends ça doux, la vie, genre, prends ça full léger, puis faire comme, ah, c'est bon, demain, je pourrais faire mes responsabilités, mais non, là, c'est fini. Genre, si je dois faire les choses comme telles, je dois aller travailler, je dois aller, je paye mes études, puis tout, comme, genre, pour vrai, ça a été un coup fort déménager. Ah, et sinon, mis à part ça, quelque chose d'autre qui a marqué ma vie, c'est rentrer au cégep. Le fait de rentrer au cégep, puis de me séparer de mes amis du secondaire, ça a vraiment marqué aussi ma vie, parce que c'était vraiment mon rentrée dans un nouveau monde. Comme, tu sais, le secondaire, on connaît tout le monde. Surtout, je trouve que les Français, on était vraiment unis. On n'était pas beaucoup, fait qu'on se connaissait toutes. On était, genre, j'ai rencontré mes meilleurs amis dans cette école-là, j'en avais beaucoup. Puis encore aujourd'hui, je les parle, mais tu sais, je voudrais être plus souvent avec eux, mais tandis qu'au cégep, tu dois prendre ça au sérieux, fait que t'as pas le temps pour sortir et niaiser comme on faisait au secondaire. Maintenant, c'est vraiment, tu étudies, sinon t'as pas une bonne cotère, si on veut. Comme, vraiment, ça aussi, ça a marqué ma vie, parce que, j'aime, pour moi, mes amis, c'est ma famille, ils sont vraiment importants pour moi. Vu que, genre, mon frère est parti assez tôt de la maison, donc mes amis, ils ont toujours été là pour moi. Fait vraiment, me séparer d'eux, ça a été un coup fort, là. T'es à rentrer dans une nouvelle école, on connaît personne, c'est grand. Puis la plupart du monde que, dans ma technique, c'était, sans être comme méchante, mais c'était juste, genre, des Québécois. Puis j'étais vraiment pas habituée à ça. J'avais pas parlé un Québécois depuis des années, si on veut. Les côtoyer, de les voir à tous les jours, de parler avec eux, d'échanger des conversations. Je trouvais ça bizarre, je trouvais ça différent. Leur manière de penser, c'était pas la même que la mienne, même que, genre, je me suis sentie un peu, genre, pas confortable dans cette école-là. Puis je voulais juste, genre, tu sais, je voulais changer de cégep pour me rapprocher de mes amis, mais je pouvais pas. Parce que, veux, veux pas, je devais apprendre à vivre seule. Comme, pour moi, ça a été vraiment un assez grand choc. Le fait de changer maison puis changer d'école, c'est vraiment le changement. J'aime pas ça. J'aime ça vivre dans le même environnement. Puis ça, ça a été dur. Ça a été un coup fort pour moi, je trouve. Puis maintenant, comment décrirais-tu ta vie? Maintenant, je t'écrirais assez. Bon, elle est organisée. Maintenant, je suis plus capable de plus être organisée. Je travaille, je vais à l'école, j'ai un chum, j'ai ma famille, je vis avec mes parents présentement. Fait que je décrirais normal, si on veut, une vie normale d'étudiante. J'essaie de voir le plus souvent mes amis, même si ça contrarie un peu mon chum, parce qu'il dit que je passe pas assez de temps avec lui, mais c'est pas vrai. Mais bon. Et, tu sais, j'essaie de satisfaire tout le monde autour de moi. Comme, des fois, j'aimerais ça me diviser en quatre pour être avec tout le monde. Sinon, je dirais que l'école prend beaucoup de place dans ma vie. Vraiment beaucoup. Genre, la session dernière, j'ai eu 10 cours. C'était carrément tous les jours à l'école, sans hésiter. De 8h à 6h. Donc, je me décrirais assez travaillante. et patiente dans ce sens-là parce que j'ai passé des nuits blanches, puis c'est vraiment genre, c'est fatigant. Puis surtout cette année, ça a été dur à cause que genre, il y a la, j'ai eu 3 sessions en une année, si on veut. C'est vraiment assez incroyable. Je suis vraiment fière de moi d'avoir fait ça. Sinon, je dirais que j'ai une vie normale, comme tout être étudiant qui existe dans ce monde. Veux-tu ajouter un peu plus de ta vie ou quelque chose que tu as à dire? Tu voudrais dire sur toi, sur ton histoire, sur ta personnalité? Quelque chose de ma personnalité, ben, je sais pas. Ah, je suis une personne artistique. Je suis une personne artistique. Donc, j'aime ça quand même assez bouger dans Montréal. J'aime pas ça rester dans un seul endroit, rester enfermé dans 4 murs. Fait que c'est pour ça que graphiste, ça me convient d'un certain point. Comme, parce que ça me permet de bouger, t'sais, genre, je dois développer mon côté artistique. C'est pour ça, moi, puis j'aimerais ça être plus vivre par moi-même. Parce que comme maintenant, genre, j'ai remarqué que, t'sais, le fait que je travaille puis je paye mes trucs, maintenant, c'est plus genre, maman, tu peux me passer de l'argent. Non, c'est vraiment moi-même. Je paye mon cellulaire, je paye. C'est la limite que je paye mon appartement, que ben, l'appartement de mes parents, puis la nourriture. Mais bon, je suis bien que ben, ça soit mes parents qui payent, là. Mais sinon, fait que je dirais que vraiment, j'aimerais ça vivre une expérience à moi seule afin de développer mon indépendance, mais aussi genre mon côté artistique, voir quelque chose de différent. Puis peut-être au fond, le fait de voyager, ça va me faire voir que tout ce que je fais je suis en train de faire en ce moment, c'est peut-être pas ça que je veux. T'sais, on n'est jamais sûr de ce qu'on veut faire dans la vie, donc pour vrai, en ce moment, moi je voudrais bien partir d'ici, puis faire quelque chose dans ma vie, je sais pas, aller en Europe, vraiment, j'ai vraiment envie d'aller en Europe pour pouvoir développer une partie de moi que je connais pas encore. Comment te vois-tu comme dans, disons, 5 ans? Ben, dans 5 ans, je pense encore être à l'école. Personnellement, je pense pas sortir de l'école avant. Ou sinon, sinon, je me vois pas ici à Montréal. Je me vois vraiment, je me vois soit en France, soit en Belgique. Parce que, comme j'ai dit avant, que je voulais voyager, voir quelque chose de nouveau. Donc, c'est pour ça que je me vois vraiment pas. Si, en plus, si je fais mes études, j'aimerais ça le faire dans un pays étranger, quelconque. Comme ça, je peux au moins dire, ah, oui, j'ai vu quelque chose d'autre que le Canada. Parce que non plus rester au même endroit, ça te ferme les yeux. Ou sinon, tu peux aussi comprendre ce qui se passe autour de toi, vu que des fois on regarde tout le temps les mêmes choses, puis on réfléchit pas de ce qu'on a devant nous, si c'est important. On n'apprécie pas les choses qu'on a. Tandis que si vraiment je vis en quelque part d'autre, je vais pouvoir apprécier mieux les choses. Donc c'est pour ça, dans 5 ans, moi je me vois pas ici, vraiment pas. Puis j'espère être stable, ça ouais. J'espère avoir un travail stable, puis pas me retrouver dans la rue non plus. Mais j'espère être bien là dans 5 ans. J'aime pas trop ça voir dans le futur parce que j'ai un petit peu peur du futur, donc c'est comme ça. Est-ce que tu as déjà planifié quelque chose comme chercher des universités ailleurs? Ben, j'ai cherché, mais j'ai pas vraiment cherché d'université parce que ce que je voulais faire, c'est finir ma technique puis faire une année de voyage. Carrément, j'ai commencé à travailler, j'ai mis de l'argent de côté en ce moment. Je travaille, j'ai déjà, comme l'année dernière, j'ai fait 3 emplois, c'est-à-dire la ronde, McDo et placière dans une salle de spectacle. Ça a été vraiment dur, ça, par exemple, mais j'ai été capable. Puis j'ai mis tout l'argent de côté parce que je veux, après ma technique, partir. Faire comme soit toute l'Europe ou soit faire un pays en Amérique, là, un des deux, parce que sinon c'est trop cher pour moi. Mais sinon, c'est ça que j'ai préparé. Sinon, j'ai fait des petits voyages avant, là, avec la famille, si on veut. Ben, surtout avec ma cousine qui m'a amenée aux États-Unis, puis que j'ai fait à peu près toutes ben, la plupart des 13, ben, les anciennes 13 colonies là, j'ai presque tout fait ça, quasiment, il me manque encore un petit peu, mais j'ai presque fini ça. Puis c'était vraiment le fun parce que genre on s'en rend pas compte de l'histoire qui nous est arrivée, puis ou à ce qui est arrivé à nos voisins si on veut. Fait que tu sais, je trouve ça le fun. Donc c'est pour ça que je veux aussi, c'est une des raisons là, pour connaître les histoires des autres. Comme, parce que je sais que chaque histoire c'est important, puis c'est chaque histoire ont leurs difficultés puis leur côté positif. Et c'est ça, je pense. Sinon, si j'aurais pas assez d'argent, je pense que je vais faire un petit. Tout mon budget, je vais le laisser pour aller faire les États-Unis, là. Ça, c'est vraiment le cas si j'ai vraiment pas assez d'argent. Mais je pense être capable. Cet été, je vais faire seulement la ronde cette fois-ci. Puis être placière, McDonald's, c'est fini pour moi. Ça a été assez. Donc, j'essaie quand même d'économiser pour faire le voyage que je veux faire. Ben, c'est vraiment un de mes rêves de voyager. Puis j'ai même regardé des sites qui pourraient, que si je vais en Europe, par exemple, parce que c'est vraiment là que je vais aller, je peux faire comme babysitting dans une famille riche, je suis payée pour, puis je suis logée. Puis pendant ce temps-là, je pourrais me trouver un emploi, vu que j'aurai mon diplôme de graphiste, je pourrais trouver un emploi en tant que graphiste, soit en Belgique. Ça serait bien en Belgique, vu que c'est français. Ou en France, parce que c'est la langue française. Parce que en anglais, je pourrais pas trop, parce que les règles s'appliquent pas les mêmes, puis en espagnol non plus. Vu que même si je pourrais me débrouiller dans les deux langues, mais les 3 langues, je veux dire, mais c'est pas la même chose. On a des règles différentes dans l'orthographe, puis aussi dans la mise en page, donc ça compterait pas trop. Mais sinon, j'ai déjà un petit plan dans ma tête fait. Sinon, j'ai essayé de me trouver quelqu'un qui veut le faire avec moi pour au moins être deux. Comme ça, si on plus d'argent, plus aussi moins être. Moins avoir peur parce que l'inconnu, ça fait toujours peur, on s'entend. C'est pas facile arriver dans un nouveau monde. As-tu des hobbies? Des activités que t'aimes faire, que t'aimes pas. Mes hobbies, j'aime marcher. Je marche souvent au centre-ville. Sinon, dessiner. C'est pour une des raisons pourquoi je suis partie en graphisme, vu que je dessine tout le temps. C'était vraiment énervant, par exemple, les professeurs aimaient pas ça, vu que genre chaque fois que je dessinais dans mes examens ou quoi que ce soit. Mais bon, pas tout le monde aimait mes dessins, ce qui paraît. Donc, sinon, mes autres bises. Ben, j'aime beaucoup y regarder des films. Comme les films américains, j'adore ça. Je peux aller au cinéma 3 fois par semaine, puis ça me dérangerait pas. Pendant l'hiver, parce que l'été, je trouve ça différent, là. L'été, il faut vraiment sortir, là. On n'a pas l'été ici dure pas longtemps, fait qu'il faut le profiter. Mais sinon, rester à la maison, écouter des films, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Comme. Sinon, parler. J'adore parler avec mes amis ou juste écouter parfois les entendre parler, c'est le fun. Mais. Puis ça serait encore mieux parler et marcher. C'est un duo parfait. C'est un duo parfait. Comme. Et c'est bon pour la santé, le marché. Disons que je suis un peu accro à la santé aussi, là. Genre, j'essaie d'être le mieux en forme possible. J'essaie. C'est assez dur, là, vu avec mon temps, mon emploi du temps un peu chargé à cause de l'école, mais j'essaie. Donc, ça serait ça, mes habits, là, marcher, regarder des films, puis parler, puis dessiner aussi. On va passer maintenant à l'affaire de la grève. Comment est-ce que la grève a affecté ta vie? Mais comment l'affecter? Mais en mars, l'école, le collège antique a commencé la grève. On est un des derniers cégeps qui a rentré, vu qu'on est la plus grande école, le plus grand cégep francophone à Montréal. Fait qu'on est rentré après juste pour être sûr que c'était pas du niaisage à grève. Puis après ça, jusqu'en août, j'ai pas eu d'école. Ça a été dur parce qu'au début, on savait pas si on allait rentrer ou pas. Fait que tu sais, j'ai pas non plus demandé d'avoir des plus grands, comme travailler plus. J'ai pas voulu. J'ai fait mes devoirs, mais j'étais pas comme on n'était pas sûr s'ils allaient compter au final. Au début, c'était comme ah, la grève dure une semaine, ah, la grève dure une autre, encore une semaine. Ok, là, elle va durer 2 semaines. Fait que c'était vraiment genre, on savait pas quoi faire. On était vraiment dit, genre, ok, la grève, c'est décidé, on rentre plus à l'école jusqu'en août. C'était vraiment pas comme ça. On devait aller voter à chaque semaine pour savoir si on continuait la grève ou pas. Puis finalement, on a voté pour que genre la grève soit illimitée là, jusqu'à l'entrée en août. Que là, on avait fait un vote pour savoir si on rentrait, mais si on rentrait pas, on avait zéro dans notre bulletin, un échec. Fait que c'est évident qu'on a tous décidé de rentrer à l'école. Puis là, je dirais que ça a vraiment été la catastrophe à peine. Je pense que c'était 6, je m'en rappelle plus du nombre de semaines, mais on a fait des miracles. On a dû travailler. On a dû rusher. J'ai jamais autant rushé de ma vie. J'ai vraiment fait des nuits blanches pendant des semaines et des semaines. On faisait juste travailler, on devait juste étudier, puis juste remettre des travaux. C'était rendu que si on avait 60, on était content parce qu'on était comme ok, on a passé, c'est juste ça l'important, genre. Comme c'était vraiment une affaire comme. Je coule, ok, c'est pas si grave que ça, je vais. Genre, tant que j'ai remis mon travail. C'était vraiment une affaire de fou. Personne dormait, tout le monde était. On voyait tout le monde courir sans arrêt. On voulait même pas manquer des jours d'école, genre, oh, aujourd'hui je reste dans mon lit. C'était comme, non, non, tu dois aller à l'école, tu dois faire ton travail. Puis le temps que le prof te donnait, il fallait vraiment l'appliquer. Tu prenais le temps qu'on te donnait en classe, à la maison, tu faisais. La première chose que tu faisais, c'était même pas manger, ni prendre ta douche. C'était vraiment, genre, faire tes devoirs jusqu'au lendemain. Donc, dans ce sens-là, oui, ça a affecté ma vie, comme dans mon sommeil. Mais ça a affecté, genre, j'avais jamais vécu un aussi grand stress de ma vie. Sinon aussi, ça a aussi un peu affecté aussi dans le travail, parce que on m'avait, à la ronde, on m'avait engagée, mais on n'était pas sûr si la grève était encore sûre qu'elle allait être jusqu'en août. Fait que, tu sais, je savais pas, je pouvais pas donner de réponse. Ah oui, je suis disponible pour le mois de juin au complet, parce que si on recommençait, c'était le mois de juin, là. Fait que c'est pas sûr, mais j'ai pris la chance, puis j'ai dit que j'étais disponible. Puis par chance, on a quand même fait la grève, dans le sens, si on veut, ma chance dans ma malchance, si on veut. Sinon, ça a aussi affecté pas seulement ma vie, mais aussi la vie des autres, parce que, comme dans les emplois, surtout, j'ai remarqué qu'il y avait trop d'employés. Beaucoup trop. Comme avant, je travaillais aussi au McDo, il y en avait trop. Il y avait quasiment juste des cégepiens. Puis là, maintenant, ça se trouvait que tout le monde était disponible. Puis que tout le monde voulait assez un grand comme avoir beaucoup de chiffres. Puis bon, le boss savait pas comment diviser ça non plus. Puis ça a affecté plus, je trouve, les boutiques ou les restaurants, des choses comme ça. Ben, les travailleurs, en fin de compte, là. Puis, sinon, ça a aussi affecté. Tu sais, ça m'a affecté parce que, veux, veux pas, le fait. Ça a été carrément une année sympathique. J'ai vécu une année sympathique, mais légale, si on veut. Puis, ça a été vraiment. Au début, c'était correct. Je trouvais ça le fun. Tu sais, oh, j'ai pas d'école. Ok, une semaine de relâche, c'est bien tranquille. Mais après, c'était redondant vu que, genre, j'avais plus rien à faire. J'étais pas sûre de travailler, de si je devais aller travailler, parce que je savais pas si on allait recommencer l'école ou pas. Je pouvais pas faire mes devoirs puisque j'en avais pas d'autres. Je pouvais pas m'avancer non plus dans les autres travaux parce que j'avais pas les renseignements pour. Fait que vraiment, j'étais juste genre, je m'ennuyais. Tout le monde était à l'école parce que mes amis allaient dans l'école anglophone. Fait que tous ces amis-là allaient au cégep, puis moi j'étais là en train de rien faire à la maison. Puis fait que je me sentais vraiment, à ce moment-là, je me suis sentie inutile, puis quasiment je me sentais genre avec aucune éducation. Genre, j'ai vraiment senti que je me sentais quasiment limite comme inutile pour la société, parce que je restais à la maison, puis je faisais rien, sans, je pouvais même pas étudier. J'ai rien. Je faisais vraiment rien. Puis là, après, c'est quand je suis rentrée pour la ronde, là, ça a passé, mais veux, veux pas, j'étais comme, l'école me manquait. Et c'est ma première session, puis je l'ai même pas fait au complet. J'ai juste fait. C'est mon année, ma première année en tant que graphiste, en technique graphique. Puis j'avais juste fait la première session au complet. La deuxième, je l'ai fait à moitié. Puis j'ai dû la rattraper cette année. Ben, en automne dernier. Fait que, tu sais, c'était un peu bizarre comme session. Fait que, c'est ça. Puis en plus, moi, ce qui m'a vraiment. Encore aujourd'hui, je sais pas comment j'ai fait, mais c'est avoir deux sessions collées. Genre, je devais reprendre la session en début août. Puis j'ai eu quoi, 2 semaines de relâche, puis whoop, on a déjà embarqué dans la deuxième année, puis c'était donc la troisième session. C'était comme, c'était quand même quelque chose. Puis après, même encore 2 semaines de relâche, bam, on est déjà dans la quatrième session. Moi encore, genre, j'arrive pas à croire que j'ai été capable, puis aussi que les autres ont été capables. Comme, c'est un peu chiant pour, ben c'est plus, un peu triste, je veux dire. Pour les premières années, parce que eux ils ont eu 12 semaines. Ben, en mon école, c'était 12 semaines pour leur session. Fait que eux ils étaient dans le rush, puis veux, veux pas, ils étaient pas habitués, tandis que nous, on avait une certaine habitude d'être dans le rush. Comme nous, on a vécu ben, la session dernière comme assez relax. C'était vraiment quand on est revenu de la grève, cette session-là. Moi, c'était ma deuxième. Insupportable, j'en pouvais plus. Je voulais vraiment... J'ai même pensé lâcher là, puis juste genre, OK, j'accepte l'échec dans mon bulletin. Je m'en fous, je suis tannée. Mais j'ai été capable. J'ai surmonté les obstacles. Puis me voilà dans ma quatrième session. Puis je vais bientôt la finir. Donc, je suis assez contente. Et sinon plus, on finit le 30 mai. Ça nous a pas trop affecté à nous. Dans ce sens-là. Est-ce que ça t'a affecté dans le sens que, par exemple, t'as dit que t'aimais marcher dans downtown? Ouais. Donc, par exemple, t'allais puis tous les roues étaient fermées puis il y a beaucoup de monde puis tout ça? Oui puis non. Oui, parce que des fois, je marchais bien tranquille puis là, il y avait une meute qui se passait... proche de là. Je voulais pas non plus m'en mêler dans les murs parce que j'étais comme, je voyais les policiers pas loin, donc moi j'essayais de me tasser de là. Puis des fois, comme t'as dit, les rues étaient fermées, puis c'était un peu plate, mais tu sais, ça me dérangeait pas personnellement. Moi, ça m'affectait pas tant que ça, puis je me suis dit, moi je suis avec vous, veux, veux pas. Fait que donc c'est ça, des fois j'embarquais dans les marches ou dans les petites meutes qu'ils faisaient, j'embarquais un petit peu, puis dès que je sentais que ça allait commencer un peu à déraper, je sortais de là. Je restais plus là, là. Mais sinon, moi, ça m'a pas trop affecté. Ça affectait plus le monde autour de nous, que j'entendais souvent du monde chialer. « Ah, les jeunes étudiants qui rentrent à l'école, ils sont trop paresseux. Ils veulent tout avoir. Ah, franchement. » Ils nous encourageaient vraiment pas, je trouve. La population, vraiment, était zéro avec nous. C'était vraiment juste les étudiants ensemble. On était vraiment unis à ce moment-là. Donc, moi, personnellement, je voulais juger pas sur ça. J'étais comme, s'ils bloquent la rue, tant mieux. J'ai trouvé ça drôle quand ils ont bloqué le pont, par exemple. Là, je me suis dit, ils vont frustrer pas mal de monde, mais c'est pour une bonne cause. Puis, s'il faut... Tu sais, c'est une manière de réagir, de faire comprendre au monde que, genre, pour nous, c'est important. Puis, genre, comme... Si vous voulez pas qu'on bloque le pont... encouragez-nous, je sais pas. Pour moi, je l'ai pris comme ça. Mais moi, je suis chanceuse, je prends le transport en commun, donc le pont, c'était pas mon problème. Sinon, la fois qu'il y a eu la panne au métro, ça par exemple, j'étais un peu fâchée. Ça, j'ai trouvé ça un peu bête, mais je me suis dit, bon, c'est pour... la cause, mais j'étais pas à 100% d'accord. En plus, moi, j'ai dû débarquer. Par contre, j'étais à Yonegro, j'ai dû débarquer, puis là, je pouvais pas prendre le bus parce que le bus était trop plein. J'ai dû appeler ma mère pour qu'elle vienne me chercher pour aller à la maison. Donc, tu sais, dans ce sens-là, je l'ai pas trop pris. Puis, je trouvais ça plate aussi pour les autres mondes qu'eux, ils habitent encore plus loin. Tu sais, je me suis dit, parce qu'ils avaient fait débarquer tout le monde, puis genre, pour vrai, il y en a qui devaient prendre des vols puis tout ça. Ah, je trouvais ça vraiment poche pour eux. Il y en a sûrement qui ont dû manquer leur vol parce qu'à Yonegro, il y a l'autobus pour aller à l'aéroport. Fait qu'il y en a, je suis sûre et certain, qui ont manqué leur vol à cause de ça. T'sais, ils n'ont pas pu aller à Yonegro justement pour prendre le bus vu que ça a été carrément, bon, on arrête tout ça. On arrête le transport. Fait que oui, dans ce sens-là, celle-là, ça m'a affectée. Mais sinon, pour les autres, la plupart du temps, j'étais avec eux, genre... tant mieux que les rues étaient fermées, puis tant mieux que le pont était fermé pour moi, vu que, genre, ça m'affectait pas tant que ça, mais le transport en commun, ça, j'ai fait comme... J'ai eu un pincement au cœur, mais je me suis dit, bon... T'sais, c'est pas la première fois que le métro est en panne puis qu'il fait débarquer tout le monde, fait que veux, veux pas, on vit avec. Selon toi, quels ont été les secteurs services, entre parenthèses, qui ont été affectés? Les services ont été affectés, ben, ça a été plus le transport. Parce que, si je me mets en, ben, le pont, il y a eu le pont qui a été, que je pense qu'ils l'ont bloqué deux fois, je pense, je m'en rappelle plus trop. Il y a eu le métro, il y a eu des marches, beaucoup de marches qui ont bloqué des rues. Fait que je dirais vraiment que ce qui a été touché, ça a été les transports. Comme, d'un sens intelligent, parce que vu que, genre, aujourd'hui, l'automobile, c'est l'affaire la plus utilisée. Puis, sinon, à part de ça, c'est le transport en commun. T'sais, je pense que tous les Montréalais sont dans un de ces trucs, sont dans un des transports en commun dans la journée. Fait que c'est sûr et certain, en faisant ça, ils les ont touchés. Ils ont exprimé leur opinion en faisant ça. Comme, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le transport en commun qu'ils ont beaucoup, comme, ben, comment on pourrait dire, qu'on affecté, là. Sinon, c'était devant les portes d'école. Bon, c'est vraiment plus les transports en commun, je pense, qu'ils ont affecté. C'est vraiment les transports en commun. Puis les automobiles. C'est ça. OK. Le fait que ta famille vienne du Chili, tous les casseroles, la sauce sont d'origine, a eu une influence sur ta participation dans la grève? Oui. Vu que, genre, je savais qu'il y a... Ben, pour commencer, il y avait aussi la grève au Chili, puis justement, il y avait le casserole ça, qui s'avait donné, mais, tu sais, ça m'a plus comme poussé à le faire, parce que je me suis dit, on n'est pas les seuls à travers le monde qui sont en grève, puis, OK, puis je me suis dit, tu sais, une façon que ça va déranger le monde, c'est le bruit. Puis, moi, je me rappelle, il y avait eu, dans ma rue, ça a commencé, puis moi, je suis sortie avec ma casserole, puis j'ai commencé à faire du bruit aussi, puis je voulais participer, puis je l'ai fait, puis j'étais vraiment contente. Puis, comme oui, ça a influencé vraiment énormément parce que mes parents parlaient. Puis mes parents aussi étaient comme, ah oui, va faire du bruit, va les déranger, montre ton opinion. Comme, tu sais, ils m'encourageaient vu que, genre, ils disaient que c'était injuste parce que au Chili, c'est un des pays les plus chers à l'éducation, puis elle est même pas si bonne que ça. Fait que. T'sais, je me suis dit, franchement, c'est pas normal. Fait que moi, je suis sortie dehors, mais je suis pas sortie dehors juste pour l'éducation au Québec, mais je suis sortie en même temps en me disant que t'sais, c'est pas juste comme c'est toute l'éducation autour du monde qui devrait avoir un prix stable. Genre, on devrait pas augmenter ça si l'éducation, ça devrait être accessible à tout le monde. Peu importe les gens, ils devraient être accessibles à tout le monde. Il devrait pas avoir quelqu'un de plus chanceux que moi qui a accès à l'éducation. Non, tu prends l'éducation la même que la mienne. Fait que oui, genre j'ai été influencée comme genre je trouvais ça je vois moi j'ai vu à la télé les grèves qu'ils faisaient au Chili puis je trouvais ça vraiment fou et c'était pire qu'ici là. Genre c'était incroyable. Genre vraiment puis des fois c'était drôle, il y avait des vidéos que genre on voyait des jeunes en train de danser devant les policiers. Ils provoquaient beaucoup les policiers, puis les policiers, ils abusaient parfois, ils frappaient, puis c'était incroyable. Pour vrai, je me suis vraiment sentie chanceuse d'être ici, et non de au Chili, parce que c'était rendu... Là-bas, c'était quasiment une guerre, là. Quand je voyais ça à la télé, genre, ici, c'était plus calme. On faisait ça très calme, mais tant mieux. Tant mieux que c'était calme. Mais oui, genre, vraiment, mes parents me disaient que, genre... Il me disait que là-bas, l'éducation, c'était incroyablement cher, que... Puis elle est même pas si bonne que ça. Si au moins tu payais pour une qualité, genre, vraiment pas. Puis en plus, si je me trompe pas, t'es l'éducation la meilleure, c'est ceux qui sont gratuits. C'est ça qui est à Cuba, puis un autre pays que j'ai carrément oublié. Je pense que c'est l'Argentine aussi. C'est eux qui ont l'éducation une des meilleures en Amérique du Sud. Ben, Amérique latine, je veux dire. Ceux qui nous ont la meilleure, puis elle est gratuite. Donc, je vois pas la logique là-dedans de faire payer full cher pour une éducation qui vaut même pas la peine. Personnellement. Donc, tu vaut mieux baisser le prix puis avoir une éducation qui vaut le prix, si on veut. Donc, c'est ça. Que penses-tu de la façon dont les policiers ont réagi envers les protestants? On est tous contre les policiers, c'est sûr, mais des fois je trouve qu'ils agissaient trop vite. Genre, ils étaient trop brutales, ils prenaient trop vite la force. Des fois, je me disais, il y avait des problèmes à la maison, puis ils ont voulu se défouler sur nous, les jeunes. Des fois, j'étais à la limite de penser ça. Mais des fois, je me dis que. Des fois, c'était les étudiants qui abusaient. Puis si un policier se sent en danger, il a été entraîné pour se défendre contre le danger. Moi, je pense que c'est comme ça. T'sais, le policier, il est supposé être là pour nous protéger. S'il se sent en danger, il va contester. Mais là, des fois, je trouvais qu'il réagissait un peu trop vite, puis un peu trop fort aussi, là, comme... Il y en a qui s'avaient retrouvés à l'hôpital, là, ça, c'était comme un peu trop. J'ai fait comme, OK, ben calme-toi, je sais pas, si t'as des problèmes, range-les chez toi, mais défoule-toi pas sur nous, genre, en profitant pas. T'sais, je veux pas non plus juger les policiers en disant que, vous êtes les méchants, puis nous, on est les gentils. Non, c'est pas ça, c'est juste, genre, ils font leur travail, mais... Je sais pas, il y a une manière plus propre de faire son travail, selon moi. Pourrais-tu décrire le développement de la marche contre la grève, toi qui étais l'une des participantes de cette marche? La première marche que j'avais participé, c'était une des plus grandes. C'était la première grande que ça avait faite en mai, je pense. Donc, tu sais, moi, j'étais allée avec mon frère, mon chum, la femme de mon frère, puis ses cousins. On est allés. Là, on faisait juste marcher. C'était vraiment tranquille. Puis tout le monde, vraiment, on était... Il y a plein de monde qui embarquait avec nous, ils étaient là, ils se promenaient, puis hop, ils voyaient, ils sont en train de marcher, ben j'y vais avec eux. T'sais, j'ai vu du monde qui fait, et j'ai embarqué. Puis c'était vraiment drôle parce qu'on voyait des pancartes qui visaient Charest qui visaient des arguments que Charest a sorti pour l'augmentation... scolaire. Puis c'était vraiment le fun. Vraiment, j'ai vraiment senti que tous ceux qui marchaient avaient un point en commun, c'est-à-dire défendre les étudiants, défendre la cause, défendre tous ceux qui voulaient aller à l'école d'une façon équitable, d'une façon genre que peut... On sait déjà que c'est cher. Pourquoi l'augmenter? Fait que j'ai vraiment trouvé ça vraiment magnifique. Vraiment, genre... J'étais dedans, là, puis j'aimais ça voir le monde qui embarquait avec nous. Puis on avait des slogans, on chantait, on était tous là ensemble. Comme, vraiment, je pense que cette journée-là, on a vraiment surpris tout le monde, parce que tout le monde disait, ça n'a pas de bon sens. Les jeunes de nos jours sont tellement, genre, comment on dit, irresponsables. T'sais, on est souvent, nous les jeunes, on est souvent jugés. Puis c'est, je trouve qu'on les a montrés en disant, comme, regarde, nous, on est solidaires. Vous, vous chialez dans votre maison en disant « Ah, les taxes sont trop chères, ça c'est trop cher, blablabla. » Ben nous, on réagit à ça. Tandis que vous, vous êtes assis, là, en train de chialer. Nous, à place de chialer, on réagit. Fait que, t'sais, j'ai trouvé ça vraiment le fun, le fait qu'on était tous là réunis. Parce que veut, veut pas, ça veut dire que plus tard, on va peut-être agir encore comme ça pour une autre injustice qui pourrait se passer. Peu importe laquelle. Ça veut dire que, genre, on est vraiment solidaires. On a peut-être perdu des trucs, comme les plus vieux disent. On a perdu, je sais pas qu'est-ce qu'ils disent qu'on a perdu, mais ils disent tout le temps qu'on a perdu quelque chose qu'eux, ils avaient. Mais moi, je trouve que nous, on a gagné la solidarité. Puis je l'ai remarqué dans cette marche-là. Je l'ai vraiment remarqué. On était tous là en train de crier. On riait, parfois on chantait. C'était moi je trouvais ça vraiment le fun. Puis le rouge était présent. J'ai la plus belle couleur maintenant, je trouve, c'est le rouge. Vraiment, je l'ai vu d'une différente forme cette journée-là. C'était vraiment beau. Genre, j'étais vraiment contente de faire partie de cette marche-là, puis j'étais vraiment contente de partager les mêmes opinions qu'ils étaient avec moi. C'est vrai qu'il y a toujours des extrémistes, puis des... Il va toujours avoir aussi des personnes qui étaient contre nous là-dedans. Il faut pas oublier, il y avait des personnes qui disaient « Ah oh, non, pas la grève, non, non, non. » Puis il y avait des personnes dans la fin qui disaient « Ah, taisez-vous. » Mais je trouve ça absurde. On était plus de 1000, puis ils nous disaient « Taisez-vous. » C'est sûr, on va pas t'écouter, là. La moitié de la population est là, t'sais. Franchement. Mais t'sais, on pouvait... Ça, c'était le fun, parce qu'on a pu les prouver que... Genre, avec nous, ça joue pas. Genre, on réagit. On va pas se laisser faire. Puis je trouvais que c'était la façon la plus démonstratrice. Là. Ah, je voudrais aussi rajouter que par rapport à mon cégep, que parce que j'ai pas expliqué aussi une des raisons pourquoi on est rentré un des derniers cégeps à rentrer dans la grève, c'est aussi parce que la moitié de mon école c'est des techniques, on est majoritairement des techniques, fait que t'sais, nous on peut pas se permettre de perdre une session parce que nous ça se reprend à l'année nos cours, comme genre j'aurais dû attendre, si mettons j'aurais carrément perdu toute ma session, j'aurais dû attendre une année pour refaire cette session-là. Fait que, t'sais, c'est une des raisons pourquoi on est rentré en dernier. Puis on avait beaucoup à perdre, je trouve. Puis même quand on a marqué l'histoire, comme la grève qui a duré plus longtemps dans le cégep, c'était 2 semaines. Puis là, on a fait carrément 6... c'était 6 mois? Ben, moi, je m'en vais. On a carrément duré le plus longtemps. Puis genre... Je suis contente de faire partie de ce bout d'histoire du Québec. Je suis vraiment énormément touchée par ça. Comme c'est le fun, savoir qu'on a marqué l'histoire. Comme puis j'en avais entendu ceux qui venaient voter. Il y en a plein qui sortaient des ah oh, mais moi je suis en technique, je peux pas me permettre. Blablabla. Mais j'étais comme moi aussi je suis en technique. Puis je comprends ce qu'elle vivait, ben ce que les gens vivaient. Puis je me disais que on est toutes solidaires. On sait tous, on va toutes perdre quelque chose. Mais que tu sois en technique ou pas, on perd quelque chose. On perd du temps. Le temps, c'est précieux, là. Comme tout le monde est conscient de ça, puis on est on savait ce qu'on faisait. Puis, genre, pour vrai, j'ai vraiment été contente de savoir que mon cégep, il est rentré dans la grève, qu'il a pas fait comment, non, moi, je me bande les yeux, puis je continue comme ça. Non, je suis vraiment contente qu'on ait réagi à ça, parce que en étant la plus grande école francophone, on a vraiment fait comme oh, regarde ce que ça dérange les étudiants cette hausse. On a vraiment comme on a été vraiment un grand soutien, sans vanter mon école, on a été un grand soutien là. Puis c'est ça là. C'est ça. Penses-tu que cette grève a marqué comme un moment historique dans l'histoire de Québec? Ben oui, c'est sûr. Ça, c'est un moment qui a réuni le plus les jeunes. Ça a aussi chamboulé toute la population, là, le fait qu'on bloquait plein de choses. Puis aussi, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, ça a duré longtemps. Là. Genre, je pensais pas que ça pouvait durer aussi longtemps une grève. Même que maintenant, je me suis un peu ennuyée, mais bon, c'est un détail. Mais sinon, oui, on a marqué l'histoire, c'est sûr et certain. On a pas seulement l'histoire, mais on a aussi marqué la vie autour de la vue, le point de vue des autres. comme qui nous disaient « Ah, la grève, ça sert à rien. Ah, vous faites ça pour rien. De toute façon, ils veulent l'augmenter. Ils veulent pas vous écouter. » OK, peut-être, mais nous, on exprime notre opinion. Genre, moi, je pour vrai, je suis vraiment contente parce que je suis pas du genre à rester assis en train de « Ah, OK, c'est bon, faites ce que vous voulez. » Genre, c'est correct. Non, non. J'exprime mon opinion, puis tout le monde en arrière de moi exprimait les opinions. On était tous une gang en train d'exprimer leur opinion en disant que genre non, on veut pas de ta hausse, genre réveille. Comme donc oui, genre on a vraiment, moi je dis qu'on a marqué l'histoire parce que je pense pas que le Québec a vécu une aussi comme a vécu un moment où que les jeunes s'y sont réunis, mais en masse. C'était partout, là, on voyait. Les carrés rouges, je pense que j'en ai jamais vu autant. Encore aujourd'hui, j'en ai vu au métro, là, des carrés rouges. Tu sais, c'est fini, là, la grève. Puis il y en a encore. Fait que moi, je dis que oui. Le carré rouge a marqué. Puis, je suis contente de vraiment faire partie de cette histoire. Moi, je suis sûre et certaine que d'ici 20 ans, on va parler de ce moment où on a fait la grève. À l'école, ils vont en parler. Ils vont en parler. C'est sûr et certain, ils vont en parler. Que penses-tu de la façon dont ça a fini, comme la résolution de tout? Comment ça a fini? Ben, moi, je l'ai plus senti quand ça a fini la grève, quand on a voté une dernière fois pour dire « Ah, est-ce que ceux qui continuent la grève, mais ceux qui continuent la grève, t'as un échec, etc. » Moi, je me rappelle, je m'avais levée. Puis j'étais une des seules qui s'avait levée dans la salle pour continuer la grève. Mais je me suis dit, tu sais, oui, je sais, genre, ça me fait mal de perdre beaucoup, mais je me suis dit, tu sais, c'est pour une bonne cause, ça vaut la peine. Bon, ça n'a pas passé, c'est sûr. Puis j'étais un peu contente. Je suis contente qu'elle n'a pas passé. Parce que ça m'aurait fait mal perdre une année. Mais sinon, moi, je l'ai vraiment vécu. Moi, j'ai senti que la grève finissait là. Mon école a voté que non, on continuait pas. Puis quand il y a eu... Puis un des trucs que les profs nous disaient tous, ils nous avaient dit, si vous voulez vraiment comme sentir que vous avez pas perdu une session pour rien, puis que vous voulez du changement, allez voter. Ils nous avaient tous dit ça. Allez voter. Si vous voulez vraiment du changement, allez voter. Parce que c'était les moments de vote pour changer, là. Donc... Tout le monde nous a dit, allez voter, genre, faites en sorte que vous n'avez pas fait la grève pour rien, faites en sorte que vous n'allez pas rusher pour rien, etc. Donc, oui, on est allé voter. Puis, on a voté Pauline. Puis, je suis vraiment contente qu'elle a éliminé la hausse pour elle. Puis, tant mieux que Charles est parti, parce que pour vrai, c'était un des pires, là. Mais bon. Mais c'est ça, ils nous avaient vraiment dit ça, que genre la manière de faire en sorte qu'on perde rien, c'est d'aller voter, d'exprimer notre point de vue. Puis c'est ça, parce que d'un sens, c'est un des pouvoirs qu'on a, nous, en tant que citoyens, c'est aller voter. Genre, si tu veux quelqu'un qui te représente, vote pour lui. Reste pas chez toi en disant « Ah, les autres vont voter pour moi ». Non, parce que ton vote est important. Comme chaque vote de chaque citoyen est important, sinon ça n'aurait pas de sens. Donc, c'est ça. As-tu quelque chose à ajouter sur ta vie, la grève, ce que tu veux parler? Ben, je dis... moi, je dis juste que si on a quelque chose à dire, puis on veut l'exprimer, exprime-toi. Parce que... on t'enseigne la langue depuis ta jeunesse. Puis elle sert à quelque chose, puis c'est une arme. La langue, c'est une arme. Puis tu peux te défendre avec. Comme tu peux exprimer avec n'importe quelle langue que tu possèdes, tu peux t'exprimer avec. Tu exprimes ton point de vue. Puis c'est pas grave si t'es le seul, genre tant que t'exprimes ton point de vue. Il y en a d'autres qui vont penser comme toi, il y en a d'autres qui vont rester silencieux, mais tant que toi tu dis ce que tu penses puis que tu te laisses pas faire par les autres, c'est déjà un début. Comme pour vrai, moi je suis genre, tu sais, au secondaire, je me faisais souvent ramener par les profs en disant arrête de t'obstiner avec moi, arrête de te défendre ou arrête ci, arrête ça, mais je continuais là. Ben, j'avais une opinion, puis il faut l'écouter, mon opinion. Comme c'est la même chose pour les autres, ils ont une opinion, puis tu les écoutes, à point, c'est tout. Comme. Genre, excuse-moi, mais c'est pas une dictature, là. Genre, non, non, non. Chacun une opinion, tu nous apprends une langue, faut bien utiliser en quelque part notre langue. Donc, c'est mon point de vue. Puis, c'est ça, je veux pas. Pour vrai, je suis contente qu'on ait eu la grève parce que ça m'a permis de voir que, genre, j'étais solidaire. Comme j'étais consciente de perdre beaucoup de choses, puis j'ai été solidaire, puis j'ai resté. J'ai été jusqu'à la fin, là. Je me suis battue jusqu'à la fin. Puis même si après, genre, j'ai rushé, puis j'étais vraiment fâchée de rusher autant. J'étais vraiment, genre, si on veut, morte à cause de l'école, mais je suis contente d'avoir fait ça, même si. C'est dur de l'école puis tout, les études puis tout que on a fait, les sessions qu'on a faites, mais je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Puis on se bat, mais on se bat pour gagner quelque chose, mais pour ça il faut perdre des trucs, il faut sacrifier. Puis ça, c'était un sacrifice pour moi. Merci beaucoup. De rien.